L'ordre sur le lancement expérimental de la fusée balistique intercontinentale de type façon 14. Le dirigeant suprême de notre parti, de notre État et de notre armée, Kim Jong-un, a lancé l'ordre par écrit de livrer le lancement expérimental de la fusée balistique intercontinentale façon 14 le 3 juillet de l'an 106 du Juche 2017. Une information de l'Académie des sciences de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée sera publiée sur la réussite au lancement de la fusée balistique intercontinentale, livrée sous la direction directe du respecté dirigeant suprême.